Le train sert à voyager dans des endroits chouettes, mais parfois on a des mauvaises surprises à l'arrivée. On va à la mer et quand on arrive, il fait trop froid. Quand le voyage dure longtemps, on peut dormir dans le train. C'est le train couchette. En plus, quand le train roule, il nous perce et ça nous donne envie de dormir. Parfois, on peut manger dans le train. Dans l'Eurostar, il y a même une cafétéria. Ou alors, on peut apporter son pique-nique. T'as les autres personnes mangent, ça nous donne envie de manger. Ou alors, ça peut nous déranger parce que ça sent très fort. Une fois, j'ai été assis avec ma maman, mais mes voisins derrière mangeaient des chips et ça faisait beaucoup de bruit. Le train, c'est beaucoup mieux que la voiture. Parce que ça donne moins envie de vomir. En plus, ça pollue moins la terre. On est plus nombreux dans un train que dans une voiture. Un voyage en train peut nous faire rencontrer des bonnes personnes et illuminer notre journée. Mais parfois, notre voisin peut être dangereux, on ne sait jamais. Je vous souhaite un bon voyage.